Bonjour, aujourd'hui je vous parle de cette autre béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix est bonne au cœur de l'homme, et la sérénité est une pierre d'assise pour posséder une vie paisible et heureuse. Beaucoup de foyers sont troublés par ce poison de la querelle. Les luttes, les batailles, les cris et les disputes troublent la paix de l'esprit, donc troublent la vie tout entière. Les couples sont malheureux et les enfants grandissent dans la peur. La dispute fait souffrir celui qui s'y adonne et fait souffrir ceux vers qui elle est tournée. Les querelles causent toujours une perte de bonheur. La paix est dans le domaine spirituel aussi importante à la vie que le sang l'est au corps dans le domaine naturel. Celui donc qui pèche contre la paix cause lui-même une hémorragie à son bonheur. Si l'homme n'est pas heureux dans son propre foyer, où le sera-t-il? À nulle part, car le foyer est le lieu de bourgeonnement et de fleurissement de toute la vie. L'homme ne sera heureux que dans la mesure où il rendra sa femme heureuse, et vice-versa. Demander le bonheur sans le donner est la meilleure façon de ne jamais le connaître. La Bible dit que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien, car Christ ne s'est pas complu en lui-même. Nous sommes appelés à prendre exemple sur le Christ et de ne jamais rien exiger de personne. Si les conjoints s'étudiaient à changer pour plaire à l'autre, au lieu d'essayer de changer l'autre pour se plaire, il s'établirait bientôt une belle atmosphère et un réel bonheur dans ce foyer. L'esprit chrétien est un esprit pacifique. Le pacifique est caractérisé par sa compréhension et sa tolérance vis-à-vis des autres. La paix commence là où le vivre et laisser vivre est respecté. La liberté est une composante de la paix, dans la limite où elle n'est pas nuisible au bonheur des autres, évidemment. Ne déchirez plus votre foyer avec des querelles et vous n'en serez plus déchiré vous-même. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative de briser ce cercle vicieux de la querelle qui en attire une autre. Dieu est un Dieu de paix, et il appelle tous ses fils à être des enfants de paix. Faites-en un trait caractéristique de votre caractère. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Nous, les chrétiens, sommes des êtres paisibles. Nous semons la paix autour de nous, dans toutes nos relations. Si vous voulez ce que nous avons, il vous faut faire ce que nous faisons. Et la première chose que nous avons fait pour vivre de cette belle paix, c'est d'avoir fait entrer en nous l'esprit de la paix, qui est l'esprit de Jésus, le prince de la paix. Fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, je te confesse toutes mes transgressions, principalement celles où j'ai, de mes paroles, brisé le bonheur des autres, de ceux que j'aime, par mes cris, mes revendications, mes éclats de voix et mes reproches sans fin. Je t'ai déshonoré et je ne mérite pas d'être appelé ton fils ou ta fille. Je veux aujourd'hui accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel et racheter toutes mes mauvaises actions par des bonnes, de façon à ce que le salut entre dans ma maison. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.